Nombre chapitre 14. Alors toute l'assemblée s'éleva, et se mit à jeter des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Plus à Dieu que nous fussions morts au pays d'Égypte, ou en ce désert, plus à Dieu que nous fussions morts. Et pourquoi l'Éternel nous conduit-il vers ce pays-là, pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants seront en proie. Ne nous vaudrait-il pas mieux retourner en Égypte ? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Établissons-nous un chef, et retournons en Égypte. » Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui étaient de ceux qui avaient examiné le pays, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël, en disant, « Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître, est un fort bon pays. Si nous sommes agréables à l'Éternel, il nous fera entrer en ce pays-là, et il nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point le peuple de ce pays-là, car ils seront notre pain, leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Alors toute l'assemblée parla de les lapider, mais la gloire de l'Éternel apparut à tous les enfants d'Israël au tabernacle d'assignation. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple s'irritera-t-il par mépris, et jusqu'à quand ne croira-t-il point en moi, après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai de mortalité, et je le détruirai, mais je te ferai devenir un peuple plus grand et plus fort qu'il n'est. » Et Moïse dit à l'Éternel, « Mais les Égyptiens l'entendront, car tu as fait monter par ta force, ce peuple-ci du milieu d'eux. Et ils diront avec les habitants de ce pays qui auront entendu que tu étais, ô Éternel, au milieu de ce peuple, et que tu apparaissais, ô Éternel, à vue d'œil, que ta nuée s'arrêtait sur eux, et que tu marchais devant eux, le jour dans la colonne de nuée, et la nuit dans la colonne de feu. Quand tu auras fait mourir ce peuple, comme un seul homme, les nations qui auront entendu parler de ton nom, tiendront ce langage. Parce que l'Éternel ne pouvait faire entrer ce peuple au pays, qu'il avait juré de leur donner, il les a tués au désert. Or maintenant, je te prie, que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as parlé, en disant, l'Éternel est tardif à colère, et abondant en gratuité, autant l'iniquité et le péché, et qui ne tient nullement le coupable pour innocent, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta gratuité, comme tu as pardonné à ce peuple, depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, j'ai pardonné selon ta parole. Mais certainement je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Car, quant à tous les hommes qui ont vu ma gloire, et les signes que j'y ai faits en Égypte et au désert, qui m'ont déjà tenté par 10 fois, et qui n'ont point obéi à ma voix, s'ils voient jamais le pays que j'avais juré à leur père de leur donner. Tous ceux, dis-je, qui m'ont irrité par mépris, ne le verront point, mais parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a persévéré à me suivre, aussi le ferai-je entrer au pays où il a été, et sa postérité le possédera en héritage. Or les Amalécites et les Chananéens habitent en la vallée, retournez demain en arrière, et vous en allez au désert par le chemin de la mer Rouge. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron, en disant, « Jusqu'à quand continuera cette méchante assemblée qui murmure contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, par lesquels ils murmurent contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, si je ne vous fais ainsi que vous avez parlé, et comme je l'ai dit. Vos cadavres tomberont dans ce désert, et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés selon tout le compte que vous en avez fait, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous tous qui avez murmuré contre moi. Si vous entrez au pays pour lequel j'avais levé ma main, jurant que je vous y ferai habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et quant à vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient en proie, je les y ferai entrer, et ils sauront quel est ce pays que vous avez méprisé. Mais, quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. Mais vos enfants seront paissants dans ce désert 40 ans, et ils porteront la peine de vos paillardises, jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés au désert, selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, qui ont été 40 jours, un jour pour une année, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, et vous connaîtrez que j'ai rompu le cours de mes bénédictions sur vous. Je suis l'Éternel qui ai parlé, si je ne fais ceci à toute cette méchante assemblée, à ceux qui se sont assemblés contre moi, ils seront consumés en ce désert, et ils y mourront. Les hommes donc que Moïse avait envoyés pour épier le pays, et qui, étant de retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en diffamant le pays. Ces hommes-là qui avaient décrié le pays, moururent de plaie devant l'Éternel. Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, vécurent d'entre ceux qui étaient allés reconnaître le pays. Or Moïse dit ces choses-là à tous les enfants d'Israël, et le peuple en mena un fort grand deuil. Puis, s'étant levés de bon matin, ils montèrent sur le haut de la montagne, en disant, « Nous voici, et nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. » Mais Moïse leur dit, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel ? Cela ne réussira point, ni montez point, car l'Éternel n'est point au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus devant vos ennemis. Car les Amalécites et les Chananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, à cause que vous avez cessé de suivre l'Éternel, l'Éternel aussi ne sera point avec vous. » Toutefois ils s'obstinèrent de monter sur le haut de la montagne, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse, ne bougèrent point du milieu du camp. Alors les Amalécites et les Chananéens qui habitaient en cette montagne-là, descendirent, et les battirent, et les mirent en déroute jusqu'en Horma.